Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une bonne comédie française. Une sortie d'autoroute manquée et voilà Dari, prestidigitateur au chômage, croisant la route d'Irène, une belle bourgeoise, le sac quartier rempli de billets de banque. Par amour, elle a servi d'intermédiaire dans une vente d'armes entre un ministre français et la Corée. L'affaire est ébruitée, le ministre veut lui faire porter le chapeau. En fuite, elle propose à Dari de le payer pour qu'il la conduise à Genève dans sa belle BMW. Oh merci, c'est gentil. Irène Montier-Duval, vous permettez? Vous êtes prestidigitateur ou un truc comme ça? Oui, en fait, là j'ai pas de travail, mais bientôt je vais partir pour Las Vegas. Chômage? Oui, on peut dire ça. Vous m'emmenez à Genève? C'est pas possible, là. Est-ce que vous êtes dans la situation de refuser du travail? C'est une fille qui fonctionne à l'instinct, au plaisir. Alors pourquoi la fille est comme ça? Le juge a reçu une lettre anonyme qui la mouille jusqu'au cou. Je vais au sommet anti-mondialisation. Vous? Eh oui, je vais aller tenter de forcer le monde à réguler le commerce. Vous avez surtout besoin de travail et vous verrez le monde différemment. Vous êtes mouillé dans l'affaire des ventes d'armes ou dans l'histoire des commissions occultes? J'ai dû déconner quelque part. Je m'étais dit qu'on pourrait... On pourrait fonder tous les deux un nouveau parti. Enfin, vous voyez bien que je suis un rêveur. Ça intéresse personne. Mais si, il n'y en a pas assez en politique. Passe. Édouard Baird excellent, Nathalie Baye fabuleuse. Un film qui mérite une seconde vie en DVD. Une comédie de Tony Marshall. Un DVD Warner Home Video.